cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir al-qa'idata al-thaniya, la deuxième règle concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, fama hi, c'est qu'il la répète, qu'il la cite. Atfadal. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. نعم. فالله سبحانه وتعالى له أسماء وهذه الأسماء أعلام وأوصاف. ما معنى هذه القاعدة؟ Qu'est-ce que ça veut dire? أن أسماء الله عز وجل c'est des أعلام et c'est des أوصاف. تفضل. أن أسماء الله عز وجل كل اسم يتضمن صفة كاملة. Chaque nom il renferme, il englobe un attribut parfait. هذا قوله أوصاف وأعلام. عندما تفضل أعلام بمعنى أسماء. كل اسم ترجع كل اسم كل اسم ترجع إلى ترجع إلى مسمى واحد. نعم. كل اسم يرجع إلى مسمى واحد. بمعنى كيس كيس عبو ديغ هذا تفضل continue. مثلا الحي والقيوم والعزيز الحميد فهذه الأسماء يرجع إلى مسمى الله. نعم كلها أسماء الله. نعم العلام سان اسم كي ديزيني une chose. سان علام وكونس لهم علامة. العلامة سان السين علامة الساعة للسين دلور أي دي شوز كي ممونتخي كي لور ألي بيانتو أغيو. Al-alam, le pluriel a'lam, c'est des noms, en français ils traduisent par prénom des fois, c'est un lafd qui va désigner un être. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms, a'lam. Tous ces noms, ils désignent Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hay, al-qayyum, al-aziz, al-jabbar, Allah, al-sami, al-alim, tout ça c'est des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya a'lamun wa awsaf. Qala شو ابن عثيمين رحمه الله أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي بالاعتبار الأول مترادفة بالاعتبار الأول أي ماذا سكوى الاعتبار الأول هنا أنها أعلام أنها أعلام أي أعلام هذه الأسماء مترادفة. تفضل قوة هنا أن هذه الأسماء مترادفة. تفضل. نعم كلها تدل وترجع إلى الله سبحانه وتعالى مترادفة. أي تسنو دزين لممتر. فالله سي الرحمن. إيه الرحمن سي الله. مفهوم. وبالاعتبار الثاني أي أنها أوصاف متباينة. C'est l'opposé de mutaradifa. Mutaradifa, c'est la même chose. En français, ils appellent ça des synonymes. Telle chose, c'est la même chose. C'est la même signification, ça désigne la même chose. Les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est tous des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, il est unique. Et il a plusieurs noms. قوله وأوصاف بهذا الاعتبار هذه الأسماء متباينة. عندما تفضل. فما معنى فهي متباينة؟ أي نعم مختلفة في المعاني. أحسنت. فمثلا اسم الرحمن واسم العزيز. Tu as deux noms. Ces deux noms, c'est les noms مختلفين. C'est les noms de d'Allah عز وجل. فأسماء الله أعلم. Et مختلفة من حيث المعاني أن اسم الرحمن c'est صفة الرحمة. Donc il y a une ma'na, c'est lié à la miséricorde. Et Al-Aziz, c'est une autre ma'na. Est-ce que Al-Izza, c'est le même sens que Al-Rahma? Là. Al-Izza, il traduit par la puissance, et Al-Rahma, la miséricorde. C'est deux attributs différents, Aïfil ma'na. Lakin, ces deux noms, ils appartiennent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'il y a plusieurs noms avec plusieurs ma'ani, t'as stavé d'une fa'ida azima mahi. عندما تفضل إله واحد هذا الإله ما له عز وجل عنده أوصاف كثيرة نعم أوصاف كثيرة كاملة أنت ستستفيد منها لأن الرحمن ça va te pousser à quoi الرحمن ne pas désespérer toi-même ça te poussera à être rahim envers le makhlouq يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. Et كذلك, ça va te pousser à ne pas désespérer. لماذا لأن الله رحيم. Ça c'est un nom. Si tu rajoutes un deuxième nom, العزيز, ça va te pousser à ماذا؟ عندما تفضل. نعم الخشية من الله لأنه عزيز قوي قدير. Il est capable de tout. Ça va te pousser à le craindre عز وجل. Si tu rajoutes chaque اسم qu'on connaît. Et tu fais des efforts pour comprendre le sens et mettre en application, voilà ce que ton iman il va monter. Et là, c'est min anfa' al-ulum. Connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité une fa'ida, anna ahyanan, wa hada taqaddam, anna ahyanan, deux noms. Tu as deux noms à la fin d'un verset, et chaque nom. Il renferme bien sûr un attribut parfait, une ma'na azima. Et les deux noms, s'ils sont cités ensemble, c'est que ça va engendrer كذلك, une autre fa'ida. وَهَذَا تَقَدَّمْ مَعَنَا فَعَلَى كُلِّ حَالٍ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ Elle est très très simple. أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَامٌ وَأَوْصَافٌ. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des noms qui désignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et كذلك, ces noms, ils renferment un attribut parfait. المعتزلة المعطلة انحرفوا هنا ماذا قالوا تفضل نعم ينكرون الصفات المعتزلة من معتقدهم أنهم ينكرون الصفات يرجت les attributs ويؤمنون بالأسماء فإذن que الله سبحانه وتعالى c'est le حي c'est le عليم c'est le عزيز إلى آخره لكن est-ce qu'il dit أعلام وأوصاف لا فكيف يقولون هو مثلا اسم السميع فماذا سيقولون ها تفضل أحسن سميع بلا سمع كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا سيكونتردي العقل وهي كونتراديكسيون كلير سميع بلا سمع سميع بلا سمع تأملوا هذا أنهم يقولون الله سبحانه وتعالى سي السميع سي celui qui entend et il n'entend pas. Ayyadam billah. Limada, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi haoula ankaru as-sifat wa athbatu al-asma? Na'am, yaqulun si tu dis. On n'est pas encore fidèle au sifat, on est fidèle à l'asma. Il ne faut pas oublier de faire le lien. Si tu dis qu'Allah il a plusieurs noms, et eux ils disent qu'Allah il a plusieurs noms, mais si tu dis qu'il y a ces noms, a'lamun wa awsaf, c'est des noms parmi les noms d'Allah, a'lam, et que ces noms ils renferment un attribut. Si tu dis que ça renferme un attribut, عند المعتزلي, ça veut dire que c'est comme si tu disais qu'il y a plusieurs alihas. تعدد القدماء كما قال شيخ العثيمين رحمه الله أي الآلهة c'est comme si tu disais العزيز c'est un إله الرحمن c'est un autre إله الله c'est un troisième إله الجبار c'est un quatrième عيادا بالله وهكذا c'est pour ça qu'eux ils ont dit tu dis pas que أسماء الله أعلام وأوصاف c'est pour ça que pour eux tous les noms ils ont le même sens أنكروا الصفات أما السني لا يدي que tous les noms c'est des noms d'Allah et ils ont des sens différents لماذا لأن ils renferment des attributs différents هذه القاعدة نابعة et on répète أن هذا في الحقيقة c'est clair c'est واضح et chaque مسلم qui a la الفطرة ولله الحمد يعلم هذا n'importe quel مسلم même si ربما il ne pourra pas s'exprimer correctement pour décrire هذا وإلا فشك مسلم Tu demandes à n'importe quel ami, est-ce qu'Allah il a plusieurs noms? Il va te dire non. Il peut te citer Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah, il a akhir. Est-ce que c'est des noms d'Allah? Il va te dire non. Thomas, tu lui expliques que ces noms, ils renferment des attributs. Allah, il a Ar-Rahman, il va te dire l'échec. Il y a Nasr Rahim, c'est Ar-Rahman. Et Allah, il entend, il va te dire l'échec, c'est Samia. Personne ne pourra penser que ça va impliquer plusieurs alihas. Abadan. Lakin, on répète, les ulama, ils ont cité ces règles et ces détails pour talabat al-ilm, pour comprendre l'égarement de Abdullah via al-Bab. Que ce soit le Jahmiya ou le Mu'tazila ou l'Asha'ira, et pour pouvoir répliquer et comprendre. Wa illa va, هذا الكلام il est واضح. قال رحمه الله القاعدة الثالثة, troisième règle, toujours concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أسماء الله سبحانه وتعالى إن دلت على وصف متعد. Si ce nom parmi les noms d'Allah سبحانه وتعالى, et chaque nom répète, il renferme, il englobe une صفة parfaite. Si cette صفة, هذا الوصف, il est متعد, enfin, tu verras que ça, on va rajouter une chose huna. فلهذا قال يتضمن ثلاثة أمور. Ça va impliquer trois choses. Si il n'est pas mutaaddi, fait que deux choses. Alors retenez هذا pour l'instant avant de comprendre c'est quoi mutaaddi. ثم قال رحمه الله أحدها. Et parmi ces trois choses, ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. On est toujours dans la première et deuxième règle. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms. فمثلا Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Sami'. On a des preuves du Coran et de la Sunnah. فنؤمن, on a la conviction que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Sami'. Parmi ces noms, c'est Sami'. فنؤمن بهذا, on a cette croyance. أن parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Sami'. Et celui qui entend, azza wa jal. Deuxième chose, quand tu as un nom, في الكتاب ou في السنة, tu vas croire en une deuxième chose, ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. وهذا, c'est exactement la deuxième règle. Le ism et la صفة. فتؤمن بالاسم et تؤمن كذلك بالصفة. On répète, ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. أي هذا الاسم. فمثلا السميع. تؤمن أن الله سبحانه وتعالى السميع. Et كذلك تؤمن أن الله سبحانه وتعالى إلى صفة السمع, l'attribut de l'ouïe, il entend عز وجل. لماذا لأنه هو السميع. أعلام وأوصاف. Jusque là, on est toujours dans la première et la deuxième قاعدة. ثم قال الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. Et c'est ça notre troisième règle. Lakin, avant de comprendre هذا الثالث, tu dois comprendre c'est quoi un wasf mutaaddi et un wasf غير mutaaddi. Il l'appelle كذلك لازم. Et pour cela, pour comprendre هذا في الحقيقة, ou celui qui a étudié la langue arabe, خاصه باب الافعال, il a étudié normalement ce point. En langue arabe, et l'arabie, tu as des af'al, des verbes, des actions, lazima et d'autres muta'addiya. Lazima ou muta'addiya. Retenez ces deux mots. On a le mot dans le matn, wasfun muta'addi. C'est la même chose. Al-af'al, al-muta'addiya, هي التي لها تعلق بالغير. Ou une autre عبارة, أن هذا الفعل, comme chaque fi'l, il a besoin d'un fa'il. Chaque action, tu as besoin de quelqu'un qui a fait cette action. Une action, ça ne se fait pas seul. Mathalan, akala Muhammad. Akala, c'est une action, c'est un verbe, c'est un fi'l. La bud min fa'il. Il faut un fa'il. Et quelqu'un qui fait cette action. Ahuna, Muhammad. Akala Muhammad. Al-muta'addi, on revient au fi'l muta'addi. هذا الفعل il a besoin d'un fa'il et d'un maf'oul. أي يقع عليه. مثلا ضرب محمد زيدا. Tu as bien un fi'l, ضرب. Tu as bien un fa'il, une personne qui fait cette action, le fait de frapper. Daraba Muhammadun, Muhammad il a frappé Zayd. Zayd c'est le maf'oul. C'est celui qui reçoit le coup. Hada en langue arabe ça s'appelle un fi'l muta'addi. Fi'lun wa fa'ilun wa maf'oul. Si tu t'arrêtes et tu ne cites pas le maf'oul, la jumla elle sera naqisa, ghayr mufida, il manquera quelque chose. Si tu dis Daraba Muhammadun, tu attends quelque chose. Il a frappé quoi? Il a frappé qui? Donc, le fi'l al-muta'addi, il faut un maf'oul pour que la jumla, elle soit complète. On passe au deuxième. Le fi'l al-ghayr al-muta'addi, ou l'azim, il l'appelle, ou l'qasir. Le mouhim, un fi'l qui n'a pas besoin d'un maf'oul. Ça veut dire quoi, il n'a pas besoin d'un maf'oul? Ça veut dire que si tu sais ce fi'l, ce verbe, avec une personne qui fait l'action, un fa'il, ça suffit, tu comprendras. Tu auras une jumla mouvide. Mathalan, qama Muhammadun. Qam, c'est un fi'l lazim. Il n'y a pas besoin de maf'oul. Si je dis, mathalan, huna, qama al-akh Muhammad, alhamdulillah, on a compris. On a compris que Muhammad il s'est levé. Maf'oul, fahada. Donc tu as lazim et tu as muta'addi en langue arabe. Al-lazim, il n'a pas besoin de maf'oul, al-muta'addi, il a besoin de quelque chose. Wa illa va la phrase, il y a un manque. Tout ça, c'est en langue arabe. Alors, on va faire le lien avec notre dors. Qala, rahmatullah alayhi, asma'ullahi ta'ala, in dallat ala wasfin muta'addin, tadammanat thalathata umur. Les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si ce nom, il renferme, il englobe un attribut parfait, bien sûr. Et cet attribut, c'est un wasf muta'addi, ça va impliquer trois choses. Le nom, tu crois au nom, bien sûr. Tu crois à l'attribut qu'il renferme. Et tu crois, qala, la troisième chose, thubut hukmiha wa muqtadaha. Bah, l'ulama, il l'appelle al-athar. On revient au muta'addi. On avait dit, al-muta'addi, c'est une chose qui va vers une autre. Ou qui touche une autre. C'est pour ça qu'il l'appelle Al-Athar. Al-Athar, je peux traduire par, il traduit rien par les traces, par. Enfin, maintenant, on va appliquer notre compréhension de la langue arabe sur un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Sami'. On applique la règle. Est-ce que c'est un wasf muta'addi, amla? On verra. Awulan, qu'est-ce qu'on doit faire? Nu'min bimada? Ism Sami'. Hein? Tawaddal? نعم أنا من أسماء الله السميع ثانيا زيد واسم السميع يتضمن صفة السمع نؤمن بالصفة صفة السمع donc نؤمن بالاسم on croit qu'Allah il a parmi ses noms السميع et on croit كذلك qu'Allah il a l'attribut de السمع il entend الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها on va voir que هذا الوصف السمع Allah subhanahu wa ta'ala il l'entend forcément des choses. فالسمع il est متعلق بماذا بالمسموعات. مثلا Allah subhanahu wa ta'ala يسمع الانسان. Allah subhanahu wa ta'ala يسمع الانسان. ما يقول الانسان الى اخره. Donc ça nous montre bien que السمع هنا c'est un وصف متعدي لماذا لانه Allah subhanahu wa ta'ala il entend toutes ces créatures. وهكذا العليم. Ça est صفة العلم et Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout. Il sait ce qu'il y a dans les cœurs, il sait ce qui se passe la nuit, le jour et la akhir. Tout ça c'est des awsaf muta'addiya. On prend un ism qui n'a pas un wasf muta'addi pour bien comprendre. Et Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité ces amthila qu'on lira ensemble. Ism il a cité al-hayat ou on peut citer al-azim. اسم العظيم سان اسم من اسماء الله عز وجل فنؤمن ان الله سبحانه وتعالى الى ce اسم العظيم ça englobe forcément un attribut parfait هنا العظمة est-ce que c'est un وصف متعدي اي الى اثر او يتعلق بمخلوق لا c'est comme الحي الله c'est le vivant il a l'attribut de la vie et c'est pas lié au مخلوق ابدا مفهوم. Donc tu as des أوصاف متعدية أي إلى المخلوق, et tu as des أوصاف غير متعدية لازمة. Donc dans ce cas-là, تؤمن أن الله سبحانه العظيم صفة العظمة. Tu as pas de troisième chose. قد يقول قائل هذا الكلام في الحقيقة après l'avoir compris c'est clair. Et pourquoi ce genre de règle؟ لأن أهل البدع انحرفوا في هذا. بعض الناس يؤمنون بالصفة لكن ينكرون الأفعال. Et on verra هذا في un قوم qui se sont égarés في هذا الباب et qu'on a étudié ensemble ولله الحمد cette secte dans notre série sur les sectes en islam, الأشاعرة. الأشاعرة ينكرون صفات الأفعال. ينكرون صفات الأفعال et on détaillera pas هنا لأن ce n'est pas le moment. On a déjà détaillé ولله الحمد قليلا dans notre cours sur les أشاعرة et ça viendra ensemble inshallah dans ces cours. قال ولهذا استدل أهل العلم عن سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل suivez الآن. لأن si vous avez compris هذا المثال avec ce verset فإنشاءالله c'est que vous avez compris القاعدة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله pour argumenter أكثر ou pour t'éclaircir cette règle, il a cité ce verset. On le répète. استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. Ce verset, العلماء كما قال شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يستدلون به عن سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة. قطاع الطريق المفسدون في الأرض ceux qui font du mal, مثلا ils agressent les voyageurs et ils volent إلى آخره. هؤلاء المفسدون في الأرض والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أحد عظيم أي une sentence. هؤلاء si ils font tawbah, si ils font tawbah, لكن بالشرط كما قال شيخ ابن عثيمين على سقوط الحد عن قطاع الطريق قبل bien sûr قبضهم comme c'est cité في الآية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم avec cette condition. Si ces pilleurs ou ce pilleur, cet agresseur il fait tawbah alors que il a réussi à s'enfuir. Il a réussi à s'enfuir et personne n'a réussi à l'attraper. Lakin il fait tawbah. Il regrette, il khaf min Allah, il fait tawbah. S'il se rend, al-had yasqut. On n'applique pas la sentence. Plutôt, le gouverneur, il n'applique pas la sentence sur lui. Limada, indaman. Par rapport au verset. Et celui qui répond, il applique la règle. C'est ça qui est important dans les durus. C'est da'iman, tu fais la liaison entre le délil et qawl al-shaykh. C'est ça la faïda d'étudier des moutons. Il y en a dans les moutons, comme ce matn. Al-ulama, il cite imma faïda, imma hukm, imma asl, imma qaïda. Et en général, il cite une preuve. Anta, en tant qu'étudiant, si tu veux comprendre, tu dois da'iman faire la liaison entre la preuve et la parole du shaykh. Ou en d'autres mots, pourquoi il cite أو إلى ستة ست أرغمان عند من؟ تفضل. par rapport au nom d'Allah سبحانه وتعالى في الآية الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين تابوا وتابوا أن الله هو صفة التوبة. لا on a des أسماء dans ce verset. Les mains là, tu t'arrêtes au milieu du verset. Continue. أن الله غفور رحيم. فماذا؟ Quel isme tu as dans ce verset؟ اسم الغفور. واسم الرحيم. أحسنت. اسم الغفور واسم الرحيم. Applique la règle sur le premier isme. أن الله هو الغفور يتضمن صفة نؤمن أن من أسماء الله الغفور. Ça c'est le premier point. زيد le deuxième. ونؤمن بصفة أن الله له صفة صفة الرحمة. On est fait le Ghafour. Ahsan, Sifatu al-Ghufran. Le troisième plan. Nu'min. Yaghfiru liman yasha. Nu'minu an Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru liman yasha. Donc trois choses avec Ism al-Ghafour. Nu'min an Allah. Parmi ces noms, Al-Ghafour, l'attribut que ce nom y renferme, Al-Ghufran. Et troisième chose, un Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne à qui il veut. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pardonné à qui? Indaman. Tfaddal. Ba'd, tfaddal. Manhum. Illa alladhina. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. الله سبحانه وتعالى يغفر لهذا القسم. ceux qui ont fait tauba, première chose. Deuxième chose, من قبل أن تقدروا عليهم. Ça fait sortir qui? Ça fait sortir si واحد il se fait arrêter par la police, مثلا. Alors que, عياذا بالله, c'était un من قطع الطريق. Il se fait arrêter, et une fois qu'il se fait arrêter, et la sentence, elle va être appliquée sur lui, il fait tawba. Hadala. Hadala, la sentence, elle est appliquée. Limada. Lianna, s'il ne serait pas fait arrêter, Rabbama, il n'aurait pas fait tawba. Amma, cette catégorie, l'an, que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a pardonné, haoula, ils font tawba, alors qu'il s'est enfui. Ça montre que cette tawba, c'est vraiment parce qu'il a regretté, et il a craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne à ce qism. On revient à notre mas'ala. Cheikh Nazimin قال ولهذا استدل اهل العلم عن سقوط الحد عن قطاع الطريق. Qui c'est qui fait le lien entre سقوط الحد et que la sentence elle est plus appliquée et le fait que Allah il leur a pardonné. Hein? Par rapport au had, famada? Donc le gouverneur il fait pas, il applique pas. Non. Vu que Allah subhanahu wa ta'ala il a pardonné à cet homme ou à cette femme et ils ont fait tawba, et le fait qu'ils ont fait tawba alors qu'ils se sont enfuis, ils risquaient plus grand chose, ça montre qu'ils étaient sincères. Allah subhanahu wa ta'ala il leur a pardonné, donc le gouverneur même s'il les attrape, il leur pardonne et il applique pas la sentence sur eux. Ahada. On a pris ça min ayn qawluhu azza wa jalla anna Allah ghafurun rahim. Fallah subhanahu wa ta'ala ghafara li haula, ça implique une chose azima, anna al had il est plus appliqué sur eux. Hada. On répète l'an. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Wa li hada istadalla ahlu al-'ilm 'ala suqut al-had 'an qutta' al-tariq bit-tawbah. Istadallu 'ala dhalika bi qawlihi lil ladhina tabu min qabl an taqdiru 'alayhim fa'lamu anna Allah ghafurun rahim. قال شيخ ابن عثيمين لان مقتضى هذين الاسمين سي كوا مقتضى دو سي دو نو سي كوا المقتضى دو سي دو نو tout le monde doit répondre. نعم مقتضى هذين الاسمين سي le premier الغفران et le deuxième الرحمه. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a pardonné et il leur a fait miséricorde. قال لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. الله سبحانه وتعالى il leur a pardonné لأن الله قال غفور. Ils ont fait التوبة, الله il est غفور, donc il leur a pardonné. رحيم, أي vu qu'ils ont fait التوبة, الله il leur a pardonné. الله سبحانه وتعالى il leur fait الرحمة, أي en les préservant du حد. قال عز وجل إن الله غفور رحيم. Cheikh Ibn Uthaymeen et d'autres de l'Ahl al-'Ilm, ils ont déduit de ce verset cette faïda azima pour te montrer anna asma Allah azza wa jalla, c'est pas mujarrad al-fadl comme ils disent al-mu'tazila ad-dhallal. Qu'est-ce qu'ils vont dire al-mu'tazila là fi hadhihi al-aya? Si les noms ils renferment pas un attribut, enfin pourquoi Allah il a dit ghafour, et pourquoi Allah il leur a pardonné, et pourquoi on n'applique pas la sentence? Ça n'a plus aucun sens à la qawl al-mu'attila al-dhullam. Na'am. Fa asma Allah Azza wa Jal, comme on disait, ce n'est pas mujarrad des alfaz. Là, c'est des noms. Ces noms, ils ont un sens azim. C'est ce qu'on appelle as-sifa. Matalan al-ghafour, c'est un nom. Et il englobe une sifa azim. Aïe, an Allah, il a sifa al-ghufran. Il pardonne à qui veut Azza wa Jal. Et al-muqtada an Allah Azza wa Jal, il pardonne à certaines de ses créatures. Subhan. Tu as un exemple, Huna. An Allah pardonne à celui qui a fait hada dhamb al-azim. Pourtant, le had, il est chadid sur qutta'a al-turuq ou al-tariq. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur pardonne. Les ma'ala, les annahum, ils ont fait at-tawbah. Qala mithalu dhalik. Après avoir cité cet argument dans le Coran al-Karim pour te montrer an les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont un muqtada ou un hukm ou athar. Mathalan, on a dit As-Sami', Allah subhanahu wa ta'ala, il a le nom As-Sami', ça englobe sifat As-Sam', et Allah il entend Al-Makhlouqat. Allah subhanahu wa ta'ala il entend tout, Azza wa Jal. Cheikh Al-Azimine, il a cité ce mithal, et on lit ensemble, ça va être très très simple. Mithal ou dhalik As-Sami', yatadamman ithbatu As-Sami', isma lillahi ta'ala. Ça c'est le premier point. Qala wa ithbat As-Sam' sifatan lahu. Ça, c'est le deuxième point. وَإِثْبَاتْ حُكْمُ ذَلِكُ وَمُقْتَضَاهُ. C'est quoi حُكْمُ ذَلِكُ وَمُقْتَضَاهُ قَالَ شَيْخُ الْعُثَيْمِينَ وَمُقْتَضَاهُ هُوَ أَنَّهُ يَسْمَعْ السِّرْ وَالنَّجْوَى كَمَا قَالَ تَعَالَى وَاللَّهُ يَسْمَعْ تَحَاوُرَكُمَا. تأملوا ce verset. ثم قال عز وجل, on finit le verset, إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. قوله عز وجل وَاللَّهُ يسمع تحاوركما. Si tu veux l'Irab en langue arabe, يسمع c'est un فعل مضارع. Et al-fa'il هنا c'est un dhamir, لكن لا شك أن المعنى c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui c'est qui entend? C'est Allah azza wa jal. Et on avait dit أن بعض الأفعال, بعض الأفعال en langue arabe, certains verbes c'est des af'al mutaaddiya, أي ce fi'l il est lié à une chose. مثلا هنا السمع للي يقوى à quelque chose de مسموع المسموعات. فلهذا قال عز وجل والله يسمع. يسمع ماذا؟ vu que c'est un فعل متعدي, tu attends plutôt quelque chose. والله يسمع تحاوركما. التحاور vous connaissez le mot حوار. Le حوار c'est un dialogue. فسي tu es dans un endroit et tu as un hiwar avec un autre, même à voix basse, tu parles avec quelqu'un, même dans une pièce, tu es enfermé dans l'obscurité, et tu parles tout doucement à ton frère ou à un de tes proches, Allah yasma'. Wallahu yasma' tahawrakuma. Donc Allah c'est Sami', il a l'attribut de As-Sam', Aïloui, et que dhalik, il entend le makhlouq. Tu as trois choses dans tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, ou qu'il y a un wasf muta'addi. Et tu as l'exemple هنا avec As-Sama'a. قد يقول قائل comment savoir أن هذا إلى متعدي هذا إلى غير متعدي. هذا ça vient avec le temps. Dès que tu auras compris Al-Ma'ani et tu auras un minimum en langue arabe, هذا c'est واضح. C'est واضح. N'importe quel nom, un, si on te demande, tu pourras savoir est-ce qu'il est la sifa المتعدية أم لا. قال وإن دلت أي الأسماء على وصف غير متعدي تضمنت أمرين أي غير متعد أي un وصف لازم. Il n'y a pas besoin d'un مفعول. On répète قام محمد. القيام c'est un فعل لازم. Il n'y a pas besoin d'une chose. L'essentiel c'est que quelqu'un le fait. قام محمد. محمد il s'est levé. Contrairement au ضرب. ضرب محمد forcément s'il a frappé, il a frappé quelque chose. Imma un objet, imma un animal, imma une personne. Amma al-qiyam là, tu dis qama Muhammad, tu as compris. Voilà. Et avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça sera plus clair. Aïe, qawluhu ghayr muta'addi. Tadhammanat amrayn. Aïe, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, si renferme un wasf ghayr muta'addi, ça va impliquer deux choses. On revient à quelle règle? Indaman. Tfaddal. نعم القاعدة الثانية أسماء الله أعلام وأوصاف. Cette deuxième partie c'est exactement la deuxième règle. Tu crois au nom et à l'attribut. قال أحدها أو أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل أي ذلك الاسم. Tu crois au nom et à l'attribut. مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسم لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. Est-ce qu'il y aura une troisième chose هنا؟ لا لا، لأن الحياة c'est un وصف لازم، c'est pas متعدي. Il n'y a aucun lien avec le makhlouq. Contrairement au Sami', Allah il entend qui ? Il entend le makhlouq. Al-Alim, Allah il sait tout et il sait la situation du makhlouq. Vous avez remarqué qu'il y a un lien. C'est ça, al-ta'diya, ou qawluhu muta'addi. Tu as un ism qui ressemble au hay et il est muta'addi, ay as-sifa. Indaman, ismun min asma'illah qui ressemble au hay et si tu appliques la règle, tu verras que As-sifa est muta'addiya. Tadalahi. Un ism qui ressemble au hay, vil ma'na wa vil mubna. Et dans les lettres et le sens. Tu as trouvé. Hein? Ahsan, al-muhyi. C'est min asma'illah. Anahu yuhyi. Al-muhyi, c'est min asma'illah. Al-muhyi, al-mumit. As-sifa, anahu yuhyi subhanahu wa ta'ala. Al-athar. أن الله سبحانه وتعالى يفرغ revivre tous les morts. Donc il y a un lien avec le makhlouq. هذا الفعل نؤمن به. الله c'est le muhyi, on croit en son nom. الصفة أن الله il a cette caractéristique, cet attribut, أنه il fait revivre. Et الفعل أن الله عز وجل il fait revivre les morts. Et كذلك il fait revivre les plantes, les terres asséchées, إلى آخره. المهم, vous avez compris المعنى. Donc الحي الصفة لازمة. Et Al-Muhyi, elle est Muta'addiya. Ces deux exemples, Al-Hayy ou Al-Muhyi, Al-Haqiqa, si tu les as compris, ça te permettra de comprendre cette règle plus facilement. هذه هي القاعدة الثالثة. On a essayé de simplifier au maximum. وإلا ceux qui n'ont pas étudié la langue arabe, فربما قد يشكل عليهم au départ. لأن pour comprendre cette règle, tu dois avoir un minimum de connaissances sur ma yata'allaq bi al-ism ou al-fi'l al-muta'addi wa al-lazim ou al-ghayl al-muta'addi. Celui qui n'avait pas ce genre de connaissances au départ, probablement au départ, ça peut être compliqué. Wa inshallah, avec l'explication simple qu'on a fait, ça devrait être assez clair pour tout le monde. On récapitule hadhihi al-qa'ida anna asma Allah ta'ala إن دلت على وصف متعدي تضمنت ثلاثة أمور وإن دلت على وصف غير متعدي تضمنت أمرين. Les noms d'Allah سبحانه وتعالى ils englobent tous un attribut. Si cet attribut il est متعدي أي il y a un lien envers le مخلوق. مثلا السمع الله il entend le مخلوق. مثلا البصير. البصير c'est on va le mettre dans متعدي أو غير متعدي. عند من تفضل متعدي لماذا؟ أحسنت يتضمن أثرا في المخلوق. الله سبحانه وتعالى يفوى البشر. الله سبحانه وتعالى يفوى تو سبحانه. فسي إلى متعدي هذا الوصف سيمبليكا تخوا شوز. هكذا قال شو معتني. تؤمن بالاسم وبالصفة سي لي دو بروميير شوز. Et c'est exactement la règle précédente, la deuxième. Et dans cette règle, on rajoute une chose. نؤمن كذلك بالمقتضى بالأثر. Et ça va impliquer une chose que Allah subhanahu wa ta'ala il voit. Que Allah subhanahu wa ta'ala il entend. Et ça c'est muhim. Et si on a compris ça, et c'est le but de l'étude de ce genre de règle, ça va changer notre vie. بإذنالله عز وجل. Il y en a celui qui sait أن الله subhanahu wa ta'ala c'est le Sami'. C'est le Basir. C'est le Rahim. C'est l'Aziz, c'est le Qawi, c'est le Jabbar. Il a akhiré. Falashak annahu. Ce iman de ses noms et des attributs qui renferment et kadhalik du athar, ça va le toucher. Annahu, quand il va parler, il va faire attention à ce qu'il dit. Limadha li anna Allah sami'un. Quand il va faire une chose, même s'il est seul. Fil haqiqa, il n'est pas seul. Limadha li anna Allah basirun alimun. Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est le raqib subhanahu wa hakadha. Fahadha sa ilm navi'. Et ces règles que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité هنا elle facilite pour le mu'min, pour chaque croyant, de comprendre هذا الباب العظيم. Et on répète, c'est des règles très très simples. Très très simples. Pour l'instant, les trois premières règles, on peut les résumer en une phrase. أن الله إلى الأسماء الحسنى هذه الأسماء الحسنى تتضمن des أوصاف كاملة. Et ce وصي المتعدي ça va كذلك impliquer un أثر sur le مخلوق. En une phrase, tu as les trois règles. أسماء الله كلها حسنى أي c'est des noms parfaits. Pourquoi les أنهم ces noms ça englobe des attributs parfaits. C'est la deuxième règle. Donc les noms d'Allah c'est des noms et ça englobe des attributs. La troisième règle, elle a 600 attributs له أثر في المخلوق مثلا السمع والبصر إلى آخره فتؤمن أن الله سبحانه وتعالى إفه هذا الفعل الله يلانتن الله يبوى الله يفه ميزيريكور الله يباردن إلى آخره. Là, c'est très très simple, c'est très très simple. Et pour comprendre il faut laisser les choses simples. فلهذا ننصح الإخوة هنا لا يكثرون الأسئلة. Je ne parle pas à leur professeur là, qu'on n'ouvre pas les portes à trop de questions. Et comme je viens de le dire, pas au professeur ou à ton cheikh ou à ton ami, là, les nefsik. On fait attention que Shaitan il ouvre pas ce bébé, tu t'arrêtes pas de te poser des questions à toi-même. Mais pourquoi il a akhiré fil aqida, ça marche pas. Et c'est pas madhhab al-salaf. C'est très très simple. Allah il a des noms, il a des attributs, et certains attributs ils ont un athar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait des choses, af'alun, yasma' wa yubsir wa yarham. C'est ça, fil aqida, c'est des af'al. Et Allah subhanahu wa ta'ala fa'al lima yurid. Lakin pour comprendre hadha al-bab, fermez la porte aux questions. Pose les questions par rapport au cours. Naam. Un mot que tu n'as pas compris, un exemple qui n'est pas clair, une jumla. Hadha naam. Amma, tu dépasses le cours et tu commences à te poser des questions fi hadha al-bab, surtout au départ. Et al-insan, il est pas prêt. Et shaytan, il le pousse. Fahadha, ça fait beaucoup de mal. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala. التوفيق والسداد. On passe à notre deuxième dars. Réviser هذه القاعدة. Et bien sûr, plus on avance et vous révisez القواعد السابقة. Quand on finira les sept premières règles sur les noms, avant de continuer dans l'étude des règles dans les attributs d'Allah Azza wa Jal, on fera une révision résumée des sept premières règles. Continuez à réviser.